طيب نكمل إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication du livre et la lecture du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara' fil Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire la réalité de Al-Wala' wal Bara' dans le Coran et dans la Sunnah. Et c'est un livre qui a été relu et préfacé par Cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan. Et, yani, Cheikh Saleh, il a lu le livre, il a dit du bien du livre. C'est un livre qui explique beaucoup de points très importants au sujet de Al-Wala wa Al-Bara et qui réfute les extrémismes yani, à son sujet. Et les extrémismes dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens de ceux qui exagèrent dans Al-Wala wa Al-Bara au point de faire sortir de l'islam toute personne qui yani, fait quelque chose qui est un péché, même si ce n'est pas quelque chose qui est kufr, ils vont le déclarer kufr et ils vont déclarer le takfir de certaines, yani, certaines personnes en particulier, comme par exemple les dirigeants et les ulama et des choses de ce genre, comme font les khawarij, les takfiriyin, et ils essaient de se baser sur la question de al-wala ou al-bara pour faire ça. Et l'autre extrême, c'est l'extrême des gens de bid'a parmi ceux qui suivent les soufis et les tendances semblables, ou bien les tendances modernistes chez les Ikhwan, parce que chez les Ikhwan il y a les deux extrêmes comme on a expliqué déjà au début, l'extrême des Khawarij Takfiriyin et l'extrême des soufis modernistes laïcs et ainsi de suite, qui disent qu'il faut aimer tout le monde, on n'a pas le droit de détester personne, il faut aimer les koufars, les mushrikins, les chrétiens et les juifs ne sont pas des koufars, il ne faut pas dire qu'ils sont koufars, et ainsi de suite. Ça, c'est l'autre extrême de qu'est-ce qu'on entend parler de la part de ces gens-là. Le livre est écrit pour réfuter ces deux extrêmes-là, et en particulier les khawarij takfiriyin, parce que c'est eux qui font le plus de tort. Donc, comme on disait, c'est pour réfuter les khawarij takfiriyin, parce que eux, c'est eux qui causent le plus grand tort en ce moment et qui font plus de fitna. Donc, on est arrivé dans le livre au point numéro 7 des réfutations. Parce qu'on a expliqué au début que le livre contenait 9 points. Et qu'on a fait donc jusqu'à maintenant 6 de ces points-là. Et dans le point numéro 6, il y a les clarifications des principes qui réfutent les shubuhat du takfir à propos de al-wala wal-bara. Jusqu'à maintenant, donc ce sixième point, il est divisé en 14. Le point numéro 6, il est divisé en 14 principes ou 14 sujets. Parmi ces 14 sujets, on est au septième. Et dans ce septième point qu'on est en train de lire maintenant depuis plusieurs cours, je vais vous dire exactement depuis quel cours, si je ne me trompe pas, c'est le cours, on a commencé ce chapitre au cours 20, au cours 20. Donc on est rendu au cours 27. Dans ce point numéro 7, dans cette explication de ce principe numéro 7, on parle des preuves qui ont rapport avec le fait qu'il est permis de prendre l'aide des koufars pour combattre des koufars ou bien pour combattre un ennemi transgresseur. Et dans cette question-là, on a expliqué que c'est une question qui se rapporte aux divergences entre les ulama dans les questions de fiqh et que ça ne rentre pas dans la question de al-wala ou al-bara, sauf que certains, parmi les takfiriyins, justement, essaie de faire rentrer cette question-là dans Al-Wala ou Al-Bara pour pouvoir faire le takfir avec. Et on a expliqué, donc, on a montré les preuves que c'est une question de fiqh, que les ulama ont divergé sur cette question-là depuis très longtemps, et que il y a deux positions, ceux qui permettent de le faire, avec des conditions, bien entendu, et avec, ils le permettent pour une nécessité, ou bien pour un besoin, tandis qu'il y en a d'autres qui l'interdisent, et on a mentionné les preuves de ceux qui l'interdisent et les preuves de ceux qui permettent. Maintenant, on est arrivé au tarjih, c'est-à-dire de montrer maintenant comment on arrive à prendre une position par rapport à cette question-là pour savoir laquelle de ces deux positions-là est plus proche de la vérité et plus proche des preuves qu'on a présentées dans le Coran et dans la Sunna de façon générale. Donc le Cheikh il explique, il dit, donc à partir de tout ce qu'on a lu dans les sept derniers cours ou dans les six derniers cours, voici ce qu'on peut conclure. Le Cheikh il dit wa min hadha yatabayyanu anna al-qawla al-rajih huwa qawlu man jama'a bayna al-adilla wa dhalika bihaml al-man'i 'ala ghayr al-hajati أو الخوف من غضب الكافر والجواز على الحاجة وحصول المصلحة المحققة أو المتحققة المتحققة مع الأمن من غضبهم وغلبتهم أو لغير ذلك من أوجه الجمع التي قررها المحققون من الأئمة. Donc le Cheikh explique. Il dit, d'après tout ce qu'on a mentionné, par rapport à qu'est-ce qu'on a dit, il devient clair que la parole correcte, et qui est plus proche de la vérité, dans cette question, parmi les deux positions qu'on a vues, c'est la position de ceux qui réunissent les preuves, qui réunissent les deux preuves. C'est-à-dire la preuve du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit au mushrik, qui voulait le suivre pour aller dans la bataille de Badr, il lui a dit retourne d'où tu viens car je ne prends pas l'aide du mushrik. Ça c'est cette preuve là et les autres preuves, c'est-à-dire toutes les preuves où on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide des kuffars et des mushrikins ou des gens du livre par rapport à certaines occasions et aussi le fait qu'il ait aussi fait des alliances avec certains d'entre eux, parmi les juifs et autres, et parmi certaines tribus, parmi les tribus qui étaient mouchriquines. Donc, on peut conclure de ça que, si on réunit ces preuves-là ensemble, on peut conclure que on va prendre l'interdiction qui a été donnée aux mouchriques au début, qu'on a mentionné, comme étant lorsqu'il n'y a pas un besoin pour les musulmans de le faire. Donc, s'il n'y a pas de besoin pour les musulmans de prendre l'aide d'un mouchrik, dans ce cas-là, c'est interdit. Ou bien, lorsque on craint de la part de ce mouchrik qu'il nous trahisse, et on peut prendre la permission, la position de permissibilité dans les preuves qu'on a mentionnées, pour l'appliquer lorsqu'il y a un besoin pour les musulmans. Ou bien pour faire venir un bienfait quelconque qui est vérifiable et concret. Tout en étant en sécurité, bien entendu, de la trahison ou du fait que ces koufars-là puissent prendre le dessus, ou bien pour d'autres, on peut les réunir ou rassembler les preuves également pour d'autres points aussi qui ont été mentionnés par les ulama vérificateurs parmi les imams de l'islam. Donc ça, c'est la manière dont on arrive à réunir ces deux preuves-là. Parce que les ulama, ils mentionnent que lorsqu'il y a deux preuves, hein, deux preuves qui sont, par exemple, en apparence contradictoires ou en opposition, dans ce cas-là, il y a des manières de se comporter vis-à-vis de ces vis-à-vis de ces contradictions-là. Soit, c'est-à-dire, si on peut vérifier les preuves et qu'on voit que les preuves sont toutes les deux authentiques, donc là, on passe à une autre étape. Parce qu'il y a une étape où, si on voit que les preuves, par exemple, il y en a une qui est authentique et l'autre qui est faible, donc c'est évident que la position qui est basée sur les preuves authentiques, c'est celle qui aura le dessus. Tandis que la preuve qui est faible, on va la rejeter. Toutefois, si les deux preuves sont authentiques, maintenant, il faut voir s'il n'y en a pas une, par exemple, qui a pas été abrogée par l'autre. Mais on ne va pas passer à l'abrogation si on est capable de les appliquer toutes les deux en même temps, si on est capable de les rassembler ensemble. Donc ça, c'est un point important. Naam. Donc, comme on disait, si on est capable de les réunir, les textes ensemble, et de les appliquer, de savoir comment les appliquer ensemble, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire de passer à l'abrogation. Hein? Et donc, parce que l'abrogation, c'est une étape plus compliquée, et de toute façon, ici, on voit bien la chronologie des textes. Elle est bien évidente, hein, puisqu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé l'aide des mouchriquines, même jusqu'à la fin, hein, tandis que l'interdiction, elle était seulement à la bataille de Badr, hein, lorsque ce mouchrik voulait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa bataille. Donc ça, c'est la preuve que, de toute façon, il y a les preuves jusqu'à la fin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé l'aide des mouchriquines pour différentes choses. Donc, de toute façon, on va lire les paroles des ulama, puis ça va nous aider à comprendre plus clairement l'attitude à adopter par rapport à cette question-là. Le cheikh, il cite les paroles de l'imam Shafi'i dans son livre Al-Umm. Et beaucoup des citations qu'on va lire maintenant, on les a déjà lues à travers les différentes preuves qu'on a lues, sauf que c'est bien de les rementionner ensemble, comme le cheikh les a cités ici. Donc il dit, قال الإمام الشافعي في الأم الذي روى مالك ما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة تبوك وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يعني والأصل بمسلم وما أثبتناه هو المراد المؤلف أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر وإن كان رده لأنه لم يرى أن يستعين بالمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً انتهى كلامه. Donc on voit ici la parole de l'imam Shafi'i dans son livre Al-Umm qui explique clairement que c'est permis. Il dit que ce que l'imam Malik a rapporté du fait qu'il a renvoyé le mouchrik ou bien plusieurs mouchrikines dans la bataille de Badr, il les a renvoyés en disant qu'ils ne prenaient pas l'aide de quiconque excepté d'un musulman. Puis ensuite on voit qu'il a pris après la bataille de Badr, 2 ans après la bataille de Badr, il a utilisé l'aide des juifs de la tribu de Bani Qaynuqa, qui étaient des gens très forts. Il les a employés dans une bataille de Khaybar, hein, 2 ans après Badr. Puis il dit que également dans la bataille de Hunayn, c'était dans l'année 8 après la Hijra, il a utilisé l'aide de Safwan ibn Umayyah, qui était un mushrik. Donc, ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il l'aurait interdit au début, par la suite, il l'a fait. Donc, ça prouve que c'est quelque chose qui a été permis par la suite. Donc, il dit la première réponse, la première réponse, فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه. Donc, il dit de là, soit qu'il l'a renvoyé le mushrik parce qu'il avait le choix, c'est-à-dire que le prophète Sam avait le choix de prendre l'aide du mushrik ou non, et dans ce cas-là, il avait choisi de le renvoyer parce qu'il n'avait pas besoin de lui, ou bien qu'il a le droit de renvoyer ce mushrik de la même manière qu'il avait le droit de renvoyer un musulman dont il craignait un mal, comme le cas des munafiqines par exemple, ou bien le cas des murjifounes, des gens qui découragent les croyants ou qui mettent la peur dans le cœur des croyants par rapport à un ennemi ou des choses de ce genre. Donc, on voit qu'il n'y a pas un hadith qui est en contradiction avec l'autre en réalité. Et il dit ensuite, et si وَإِنْ كَانَ رَدُّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَى أَنْ يَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ. Donc, si, par contre, s'il l'a renvoyé parce qu'il considérait qu'on ne pouvait pas prendre l'aide du mushrik, eh bien, il faut voir que ça a été abrogé par qu'est-ce qui a été fait par la suite, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même utilisé l'aide des mushrikines, et donc il n'y a pas d'empêchement de prendre l'aide des mushrikines dans le combat contre d'autres mushrikines s'ils sortent de leur propre gré. Et ça, c'est la fin de la citation de l'imam Al-Shafi'i dans son livre Al-Umm. Maintenant, il y a une autre citation, que celle-là qu'on vient de lire, c'était dans le volume 4, à la page 261. Maintenant, une autre citation dans le même livre, Al-Umm, le volume 4, à la page 166. Il dit, وَقَالَ أَيْضًا وَبَعْدَ ذِكْرِهِ مَنْعَ الْاِسْتِعَانَةِ بِمُشْرِكِ عَلَيْهِ دَلَائِلْ عَلَيْهِ دلائل الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدو أو طريق أو ضيعة أو نصيحة للمسلمين فلا بأس أن يغزى به وأحب إلي أن يعطى من الفيء شيئا ويستأجر إجارة من مال لا مال له بعينه وهو غير سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغفل ذلك أعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر مشركا قيل نعيم أسلم ولعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزو ويأذن له وكذلك الضعيف من المسلمين ويأذن له ورد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إباحة الرد والدليل على ذلك والله تعالى أعلم أنه قد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر وشهد صفوان بن أمية معه حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك انتهى كلامه. Donc ici encore le cheikh il mentionne donc les paroles de l'imam al-Shafi'i dans son livre Al-Umm, et le cheikh l'imam al-Shafi'i il mentionne également des arguments comme on l'a mentionné dans la première citation avec un petit peu plus de détails. Il explique que lorsqu'on voit que de la part d'un mouchrik qu'il a le désir d'avoir le dessus sur les musulmans, dans ce cas-là on ne va pas le prendre comme pour aider les musulmans, parce qu'on voit de lui que c'est quelqu'un qui cherche à avoir le dessus sur les musulmans et à écraser les musulmans. Il veut que les musulmans perdre, ou elle a une défaite. Donc, on ne va pas céder de ce genre de mouchrik ou de ce genre de kafir. Toutefois, si parmi les mouchrikines, il y en a qui sont différents de cette description-là, et qu'il y aurait un bienfait en un mouchrik en particulier pour les musulmans, soit pour nous indiquer quelque chose qui a rapport avec les secrets des mouchrikines, hein, il va nous mentionner des choses que lui seul connaît à propos de ces mouchrikines-là parce qu'il était parmi eux, ou bien il va nous indiquer un chemin que seul lui connaît, ou bien il y a des choses de ce genre, ou bien on voit de sa part qu'il est sincère envers les musulmans. Donc il dit, l'imam Shafi'i, que dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de prendre son aide pour combattre avec, pour le prendre avec nous pour combattre en même temps. Et il dit, c'est-à-dire l'imam Shafi'i dit, j'aimerais qu'on le, comme s'il donne son point de vue, il dit wa uhibba ilayya an yu'ta min al-fay shay'an, c'est-à-dire moi je vois qu'il est bon qu'on lui donne quelque chose du butin, ou bien qu'on achète son service, qu'on le paye pour son service, qu'on lui donne un salaire en argent pour son service. Toutefois, il n'y a pas d'argent qui va lui être désigné de façon prédéterminée comme pour les le musulman lorsqu'il part, il a une part du butin qui est bien spécifique, comme ça a été divisé dans l'islam, selon les règles de la charia, tandis que pour lui, non, pour le mouchrik, non, c'est une somme d'argent qu'on lui donne, mais c'est particulier, c'est séparé, ça ne fait pas partie de qu'est-ce qu'on donne aux musulmans. Il dit, فَإِنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ أَعْطَى مِنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Mais s'il est pas, s'il prend, tient pas compte de ça, ou s'il est insouciant de cet aspect-là, il lui donne dans ce cas-là une part qui a été, comme qu'est-ce qui a été déterminé par le, qu'est-ce qui est donné pour le prophète صلى الله عليه وسلم. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit que le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم est renvoyé le jour de Badr, le mouchrik, on a dit à ce sujet-là qu'il s'appelait Naïm ou Nu'aym, et qu'il s'est converti à l'islam par la suite, après que le prophète صلى الله عليه وسلم l'ait renvoyé. Et certains ont expliqué que la raison pour laquelle il le renvoyait, c'était pas vraiment parce qu'il voulait pas prendre son aide, mais c'était plutôt parce qu'il sentait de cette personne qu'il avait envie de se convertir à l'islam, et c'était donc pour le motiver à se convertir. Il dit, et il est permis à l'imam de toute façon de renvoyer ou d'empêcher un mouchrik de participer à la bataille, ou de lui permettre, c'est-à-dire le dirigeant, il a le choix de prendre l'aide du mouchrik ou de ne pas le prendre. De même que le musulman, même un musulman, il a le droit de dire à un musulman de ne pas participer à la bataille aussi. Si il voit par exemple de ce musulman-là, comme on l'a expliqué déjà, qu'il est faible, ou bien qu'il va causer du tort, hein, au combat ou des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, le dirigeant, il a le droit d'empêcher même un musulman de participer à la bataille. Et le cheikh, il dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé, donc selon la position de ces ulama-là qui ont dit ça, ils ont dit que c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé parce qu'il avait le droit de le renvoyer. Et il dit que la raison de ça, ou la preuve de ce point de vue-là, il dit, et Allah sait mieux, c'est que par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu avec les juifs de Bani Qaynuqa après la bataille de Badr, et également la bataille de Hunayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide de Safwan ibn Umayya, et Safwan ibn Umayya, ça c'était après la conquête de la Mecque, et Safwan ibn Umayya, il était mouchrik, hein? Donc c'est la fin de la citation en question. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Baz, Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Il dit, وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاوى ومقالات وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم أو دولة في قتال الدولة المتعدية لصد عدوانها عملا بالأدلة كلها فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بهم وعند الحاجة والضرورة يستعان بهم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم وفي هذا جمع بين الأدلة بين الأدلة الشرعية لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف ودخل في مكة بجواره واستعان بعبد الله بن أريقة الديلي ليدله على طريق المدينة وكلاهما مشرك وسمح للمهاجرين من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مع كونها دولة نصرانية ولما في ذلك من المصلحة للمسلمين وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من الكفار واستعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنين وهو كافر وقال في حديث عائشة رضي الله عنها للذي أراد أن يخرج معه في بدر وهو مشرك ارجع فلن نستعين بمشرك وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك واستعان بهم في القيام على مزارعها ونخيلها لحاجة المسلمين إليه واشتغال الصحابة بالجهاد فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه والأدلة في هذا كثيرة. Donc on va traduire cette partie. Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, il dit dans le volume 7 à la page 363 dans Majmou' Fatawa wa Maqalat, il dit que le fait de prendre l'aide de certains d'entre les koufars pour combattre des koufars lorsqu'il y a un besoin de le faire ou une nécessité, donc, la position correcte à ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas de problème pour de le faire lorsque le dirigeant voit que il veut prendre l'aide de certains individus parmi les koufars ou bien un état ou un pays parmi les pays des koufars pour combattre un pays qui transgresse et pour les faire stopper dans leur transgression et cela en agissant selon les preuves, selon toutes les preuves, c'est-à-dire pas juste de prendre une partie des preuves mais de prendre toutes les preuves ensemble et lorsque il n'y a pas de besoin de le faire ou de nécessité, dans ce cas-là, on ne prend pas l'aide des koufars. Hein? S'il n'y a pas de besoin ou de nécessité, dans ce cas-là, on prend pas l'aide des koufars. Mais c'est seulement lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a une nécessité de prendre leur aide, alors on le fait du point de vue que cela est bénéfique pour les musulmans et que ça ne leur ramène pas du tort. Hein? Et bien entendu, les ulama, alhamdoulilah, parmi les grands ulama, les mujtahidin, dans ce genre de situation-là, ils savent analyser le pour et le contre et regarder où se trouve le plus grand bien. Et s'il y a un conflit entre deux mâles, ils savent comment choisir le moindre de ces deux mâles-là. Et donc, ils vont agir en conséquence selon les preuves du Coran et de la Sunna. Tandis que les gens de Hizbiya et les gens de Bid'a, eh bien, eux, ils jugent selon leurs passions et leurs sentiments, et non pas selon les preuves de la charia dans ces questions-là, et ils essaient de créer de la fitna avec ça. Donc, le cheikh, il continue. Il dit, وفي هذا الجمع بين الأدلة الشرعية. Donc, quand on agit de la façon dont on vient de mentionner, eh bien, on a réuni entre les preuves de la charia dans ce cas-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'aide de Al-Mut'am ibn Adi lorsqu'il est revenu de Taif pour rentrer à Mecca sous sa protection. De même qu'il a pris l'aide également de Abdullah ibn Urayqit, yani Ad-Daili, pour lui indiquer le chemin pour arriver à Médine lorsqu'il a fait la Hijra. Et tous les deux étaient des mouchriks, c'est-à-dire Al-Mut'am ibn Adi et Abdullah ibn Urayqit, tous les deux étaient des mouchrikines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également permis aux muhajirines parmi les musulmans de faire la hijra en Éthiopie alors que c'était un pays chrétien et il y avait en cela un bienfait pour les musulmans qui allaient s'éloigner de ceux qui leur causaient du tort parmi les gens de leur peuple parmi les koufars de Mecca. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'aide de Safwan ibn Umayya dans la bataille de Hunayn, et il a même utilisé certaines armures qu'il avait, alors que Safwan ibn Umayya était kafir. Et il dit également, comme c'est mentionné dans le hadith de Aisha radiallahu anha, il a dit à celui qui venait pour lui demander le jour de Badr de pouvoir partir à la bataille avec lui parmi les mushrikines, il a répondu aux mushriks qui voulaient le suivre: retourne d'où tu viens, car je ne prends pas l'aide d'un mushrik. Hein? Mais par la suite, on voit que dans la bataille de Khaybar, il a utilisé l'aide des juifs pour combattre. Hein? Il a combattu avec eux. Et par la suite, quand il a pris la ville de Khaybar, et que dans cette ville il y avait des palmiers avec des dattes et tout, et qu'il ne pouvait pas les cultiver, il n'y avait personne parmi les sahaba qui était libre pour rester, pour s'occuper de la récolte ou de l'agriculture, eh bien, il a laissé les juifs à cet endroit-là, et il les a engagés, c'est-à-dire il les a payés pour cultiver les récoltes, et il leur a donné en retour la moitié de la récolte, hein, comme salaire. Donc, ça c'est parce que les sahaba étaient occupés à ce moment-là, et ils faisaient le djihad, et donc ils ne pouvaient pas rester à Khaybar. Sauf que par la suite, lorsque les musulmans n'avaient plus besoin d'eux, eh bien, Omar ibn al-Khattab, plus tard, par la suite, sous l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a expulsés. Et il y a beaucoup de preuves à ce sujet-là. Le cheikh, il dit ensuite, « وَالْوَاجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّصُوصِ وَعَدَمِ ضَرْبِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ » Donc, l'obligation pour les hommes de science, c'est de prendre toutes les preuves ensemble et de les accorder entre eux. Et non pas de les frapper les unes contre les autres, hein, puisqu'on est capable de les appliquer les deux en harmonie lorsqu'on comprend dans chaque contexte comment ils s'appliquent. ودولة البعث أخطر على المسلمين من دولة النصارى لأن الملحد أكثر من الكتاب كما لا يخفى. وما فعله حاكم العراق البعثي في الكويت يدل على الحقد العظيم والكيد للإسلام وأهله. ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك. فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. Donc le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il explique ici, il dit que le pays Ba'ath, c'est-à-dire l'Irak, qui était un État qui était sur l'idéologie et le système du parti Ba'ath. Et le parti Ba'ath, c'est un parti communiste socialiste, hein, qui est basé sur la mécréance. Donc le cheikh, il dit que cet État-là qui est Ba'ath, hein, communiste socialiste laïque et ainsi de suite, hein, dont Saddam Hussein était à la tête, eh bien ce pays-là est plus dangereux pour les musulmans que les pays chrétiens, parce que l'athéisme, c'est une forme de kufr qui est plus grave que le kufr des chrétiens, comme cela est bien connu. Et le cheikh, il dit, ce que le dirigeant de l'Irak a fait, hein, le dirigeant du parti Ba'ath, qui était en Irak à l'époque, maintenant il a été tué, mais il a été exécuté, mais là, lorsqu'il était au pouvoir, il a fait beaucoup de tort lorsqu'il est rentré au Koweït, et il a fait beaucoup de mal. Et donc ça, c'est la preuve qu'il a une grande haine contre l'islam et contre les musulmans. Le cheikh, il dit, et il est donc obligatoire de faire attention et de porter l'attention sur le fait que certaines personnes s'imaginent ou pensent que le fait de prendre l'aide des koufars et des mouchriquines contre des koufars et des mouchriquines, que ça c'est une forme de moualat. Cheikh dit, ça n'a rien à voir avec Al-Mu'alat. Il ne faut pas mélanger les choses. Le fait de prendre l'aide des koufars, c'est une chose, et le fait de les prendre pour alliés et de les aimer, ça c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir. Et donc le Cheikh dit, فَلَمْ يَكُنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَعَنَ بِالْمُطْعَمِ بْنِ عَدِي أَوْ بِعَبْدِلَّهِ بْنِ أُرَيْقِدْ أَوْ بِيَهُودِ خَيْبَرْ مُوَالِيًا لِأَهْلِ الشِّرْكِ وَلَا مُتَّخِذًا لَهُمْ بِطَانَةً وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم وهكذا بعثه المهاجرين وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالة للنصارى وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم فيجب على المسلم أن يفرق بين ما فرق فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله بينه وأن ينزل الأدلة منازلها والله سبحانه هو الموفق الهادي لا إله غيره ولا رب سواه. Donc le cheikh explique un point important ici. Il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide de Al-Mut'am ibn Adi ou l'aide de Abdullah ibn Uraiqid ou l'aide des juifs de Khaybar, est-ce qu'on va dire qu'il a pris ses koufars et ses mouchriquins comme des alliés et qu'il a pris pour alliés et qu'il a aimé les gens du shirk? Hein? Jamais de la vie. Ou bien qu'il les a pris comme proches, conseillers? Jamais de la vie. Il a uniquement fait ça pour un besoin et il les a employés pour des choses qui sont qui sont bénéfiques pour les musulmans, qui sont bonnes pour les musulmans et qui ne leur causent pas de tort. Et de même que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les muhajirines de la Mecque jusqu'en Éthiopie, alors que c'était un pays chrétien, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça pour prendre pour allier les chrétiens et pour les aimer dans leur religion ou dans leur voie? Jamais de la vie. Il a fait ça uniquement parce qu'il y avait un bienfait pour les musulmans et pour diminuer le mal qui touchait aux musulmans à ce moment-là. Et donc, il est obligatoire aux musulmans de faire la distinction et de séparer entre les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a séparées. Et justement, lorsqu'il mentionne ça, le cheikh, hier j'ai écouté une conférence du cheikh Adil Al-Mansour, et c'est un des mashaykhs salafiyin, et il expliquait justement dans ce cours-là le titre c'était Al-Jam' wal-Mufarriq, si je ne me trompe pas, c'est ça, Al-Jam' wal-Mufarriq ou quelque chose comme ça. C'était pour expliquer en fait que il y a des choses qui sont semblables et mais elles ont des différences dans certains aspects. Et quand on n'arrive pas à comprendre les distinctions qui existent entre deux choses qui sont semblables, eh bien, ça peut amener beaucoup de gens à tomber dans des erreurs. Et c'est souvent ces genres de shubuhat que les gens de bid'a ou les gens de hizbiyya ou que les kuffars utilisent. Hein? Et justement, il expliquait ce point-là dans le contexte de l'explication de Masa'il al-Jahiliya, c'est-à-dire les arguments ou les shubuhat plutôt. Que les mouchriquins utilisaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de contrer la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc beaucoup d'entre les mouchriquins employaient ce genre de shubuhat. Et bien aujourd'hui on trouve la même chose chez les hizbiyins, et le cheikh il donnait plein d'exemples actuels de qu'est-ce qui se passe de la part de certains takfiriyin et de la part de certains soufis et de la part d'autres. Il y en a qui prennent des choses qui se ressemblent et qui font pas la distinction entre certains points qui font en sorte que ces choses-là sont différentes, et donc ils voient que parce qu'il y a certaines ressemblances, ils s'imaginent que ça s'applique sur tous les plans. Comme par exemple le fait de prendre l'aide des mouchriquins ici contre des mouchriquins. Donc il y en a qui disent bon, mais si le fait de prendre l'aide des koufars contre des musulmans, ça c'est kufr et ça c'est shirk, hein, si tu les prends pour alliés dans des choses comme ça, eh bien dans ce cas-là, le fait de les prendre pour alliés pour combattre des koufars aussi, ça rentre dans le fait de les aimer et de les prendre pour alliés. Et bien entendu, il y a une différence entre les deux. Hein, et même si ce sont contre des musulmans, qui font des transgressions, hein, et que tu prends leur aide pour les remettre à leur place, eh bien, il y a encore des distinctions là aussi. Mais si tu fais pas les, si tu fais pas attention à ces distinctions et à ces différences-là, tu fais un jugement général et tu tombes dans l'injustice. Parce que tu mets un verdict sur une chose qui est différente du verdict sur lequel cette chose-là s'applique vraiment. Et donc le cheikh, il a donné plein d'exemples cette conférence-là. Il faut vraiment l'écouter. Yanni, je pense que ça clarifie beaucoup de choubouhat et beaucoup de choses importantes pour les musulmans. Et il y a la dernière citation que le cheikh il a citée, c'est une autre parole de cheikh Abdelaziz Ibn Baz à ce sujet-là, dans le volume 6 à la page 158, 185 du Majmu' Fatawa wa Maqalat de cheikh Ibn Baz. Il dit: wa amma ma waqa'a min al-hukumat al-Saoudiya min talab al-isti'anati min dawl شتى للدفاع وحماية أقطار المسلمين لأن عدوهم لا يأمن أو لا يؤمن هجومه عليهم كما هجم على دولة الكويت فهذا لا بأس به وقد صدر من هيئة كبار العلماء وأنا واحد منهم بيان بذلك أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف وهذا لا شك في جوازه إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين وهذا هو الذي لا يجوز وأما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit: en ce qui concerne ce qui est arrivé de la part de l'État saoudien, du fait de demander l'aide de plusieurs pays différents pour défendre les pays musulmans contre un de leurs ennemis, dont on craint qu'il nous attaque ou qu'il les attaque, comme il a attaqué par exemple le Koweït, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de le faire. Et il y a eu un décret qui a été fait par le comité des grands savants, et il dit, et je suis un d'entre eux, un qui fait partie de ce comité, pour expliquer cela, et cela a été diffusé à la radio et également dans les journaux. Et il n'y a pas de doute que cela est permis, et il n'y a pas de problème de prendre l'aide des non-musulmans, c'est-à-dire que les musulmans prennent l'aide des non-musulmans pour défendre leur pays, pour défendre le pays des musulmans contre la transgression d'un ennemi qu'ils ont, et que cela ne fait pas partie d'aider les koufars contre des musulmans, hein, que les savants ont mentionné dans le chapitre du verdict de l'apostat, de celui qui quitte l'islam ou dont l'islam est annulé. Il dit parce que celui-là, celui qui fait ça, c'est celui qui aide un kafir contre ses frères musulmans. Ça, c'est ça qui n'est pas permis. Toutefois, de prendre l'aide d'un kafir, que le musulman prenne l'aide d'un kafir pour repousser le mal d'un autre kafir, ou bien le mal d'un musulman qui fait de la transgression, ou dont on craint la transgression, ça, il n'y a pas de problème pour le faire. Hein, et ça ne rentre pas dans la catégorie de qu'est-ce qui est kofre, hein, comme c'est mentionné dans Waqid al-Islam. Donc les gens ne font pas la distinction, comme je disais tout à l'heure. Et le cheikh dit: وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم استعان بدروع بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه وكان صفوان كافرا في ذلك الوقت في قتال له لثقيف يوم حنين. وكانت خزاعة مسلمها وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله لكفار قريش يوم الفتح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تصالحون الروم صلحا أمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي وراءنا. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh Ibn Baz il continue et il dit qu'il a été confirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé les boucliers qu'il a empruntés de Safwan ibn Umayya. Et Safwan ibn Umayya était un kafir à ce moment-là. Hein? Et il dit que dans la également ça c'était dans la bataille de Hunayn contre la tribu de Saqif après la conquête de la Mecque. Et également il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait une alliance avec la tribu de Khuza'a, et Khuza'a était composé de musulmans et de kuffars, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu Quraysh le jour de la conquête à cause justement des gens qui ont brisé l'alliance en attaquant Khuza'a, en attaquant la tribu de Khuza'a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que puisque ils avaient attaqué Khuza'a, qu'ils avaient brisé leur entente de paix. Et donc, il était permis maintenant de les combattre. Et c'est là qu'il y a eu la conquête de la Mecque. Ensuite, le cheikh, il mentionne qu'il y a un hadith également qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les musulmans allaient prendre une alliance avec les chrétiens, les romains. Puis, qu'ils allaient combattre un ennemi derrière eux, hein, un ennemi qu'ils ont en commun. Et donc le cheikh dit que cela signifie de prendre leur aide pour combattre un ennemi, hein, un ennemi qu'ils ont en commun. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le cheikh dit wal maqsoud an ad-difa' 'an al-muslimin wa 'an biladihim yajuz an yakuna dhalika bi quwwati al-muslima وبمساعدة النصارى وبمساعدة من نصارى أو غيرهم من طريق الصلاح عن طريق السلاح عفوا عن طريق السلاح وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فأمرنا بأخذ الحذر من أعدائنا، وقال عز وجل: أعد لهم أي للأعداء الكفار ما استطعتم من قوة، وهكذا من يعتدي علينا ولو كان مسلما أو ينتسب إلى الإسلام فإذا خشي المسلمون عدوانه جاز لهم أيضا أن يستعينوا بمن يستطيعون الاستعانة به لصد عدوان الكافر ولصد عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعن حرماتهم. Donc le cheikh Ibn Baz il dit ici que il est permis donc aux musulmans de défendre leur pays, hein, de défendre leur pays, soit avec une force musulmane et avec l'aide des chrétiens ou d'autres, yani avec les armes, ou bien avec l'aide d'une armée, hein, de leur armée qui va yani aider les musulmans contre la transgression qui est faite contre eux. Et il dit, et qui va les aider également à protéger leur pays contre le mal de leurs ennemis et contre leurs ruses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre: Ô vous qui avez cru, prenez vos précautions. Hein, c'est le verset 71 dans Sourate An-Nisa. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous dit ici de prendre nos gardes contre nos ennemis. Et également, il nous dit, et préparer contre eux, c'est-à-dire contre les ennemis, les kuffars, ce que vous pouvez comme force. Hein. Et donc, le Cheikh, il dit, ça c'est le verset 60 dans Sourate Al-Anfal, le Cheikh, il dit, c'est ainsi que quiconque transgresse contre nous, que ce soit un musulman ou quelqu'un qui prétend appartenir à l'islam ou se déclare appartenir à l'islam, si on craint, si les musulmans craignent sa transgression, il est permis pour eux également de prendre l'aide de celui de celui dont ils sont capables de prendre l'aide pour repousser sa transgression, que ce soit la transgression d'un kafir ou de repousser la transgression du transgresseur, hein, il est musulman, et de repousser son injustice qu'il fait contre les pays musulmans et contre les qu'est-ce qui est sacré pour les musulmans. والواجب على المسلمين التكاتف والتعاون على البر والتقوى ضد أعدائهم إذا احتاجوا فيما بينهم لمن يساعدهم على عدوهم أو على من يريد الكيد لهم والعدوان عليهم ممن ينتسب للإسلام فإن لهم أن يستعينوا بمن يعينهم على صد العدوان وحماية أوطان المسلمين وبلادهم كما تقدم. Donc il dit l'obligation pour les musulmans, c'est de s'entraider les uns les autres et de collaborer dans la piété et dans le bien contre leurs ennemis. Et s'ils ont besoin, hein, entre eux, de s'entraider contre un ennemi, ils s'entraident. Ou bien, si quelqu'un veut leur faire une ruse, ou bien un complot, et puis leur faire de la transgression, hein, parmi ceux qui s'apparentent à l'islam ou se disent musulmans, hein, eh bien, dans ce cas-là, ils ont le droit de prendre l'aide de ceux qui vont les aider pour repousser la transgression de ceux qui veulent leur faire du tort. Et pour les protéger leur patrie, leur pays musulman contre ceux qui veulent leur faire du tort ou transgresser contre eux. Donc ça c'est la fin de la citation. Et donc ça conclut tout ce qu'on a expliqué depuis le début au sujet de la question de prendre l'aide des koufars, hein, de prendre l'aide des koufars et des choses de ce genre. Donc je ne sais pas si parmi vous il y en a qui étaient présents durant la première guerre du Golfe, mais moi c'était la période quand je me suis converti, c'était en 91, c'était la période, et je me souviens, il y en a toute la fitna de la part des Ikhwan et des takfiriyin qui commençaient à faire le takfir de l'Arabie Saoudite à cause de ça, et je me rappelle même des sourouris quand ils sont sortis comme Salman al-Aouda, Safar al-Hawali et tous les autres qui faisaient la fitna en Arabie Saoudite à l'époque. Donc c'était une grosse affaire à l'époque, hein, ça a fait beaucoup de fitna, et tout ça c'est parce que ces gens-là refusaient d'accepter et de prendre les preuves qui sont claires, hein, à ce sujet. Même que je me rappelle dans une cassette, je pense que c'était Safar al-Hawali qui avait fait une cassette à ce moment-là. Il avait intitulé, je pense, Osatat Kurunana Akulu Lakum, quelque chose comme ça. Et puis, dans cette cassette-là, il dénigrait les ulama, puis il disait qu'il fallait qu'ils parlent pour éviter qu'on mente sur l'islam, hein, il condamnait ou critiquait la fatwa des ulama. Qui avait mentionné que c'était permis de prendre l'aide des koufars et des mouchriquins, et il avait dit ça y est, maintenant les Américains vont venir ici, ils vont conquérir la péninsule arabe, puis ils vont la prendre, et ainsi de suite. Il avait, comme s'il avait fait un scénario incroyable pour imaginer les choses de la pire des façons, et pour faire peur aux gens et yani, commencer à faire beaucoup de fitna avec ça. Et c'est pour ça que lui et l'autre Salman al-Ouda ont été emprisonnés en fait, parce qu'ils commençaient à faire beaucoup de fitna avec ça, et ça commençait à devenir dangereux pour eux et pour la société, et donc ils ont dû les mettre en prison. Et ça, il y a la lettre même, jusqu'à aujourd'hui on voit la lettre de Cheikh Ibn Baz qui a signé cette lettre avec d'autres grands ulama pour son arrestation et son emprisonnement. Et justement à l'époque il y avait les takfiriens qui disaient, ah vous voyez l'Arabie Saoudite est contre la da'wa parce que il enferme les du'ats et il met en prison les chouyours et ainsi de suite. Et en réalité, c'est les ulama qui ont ordonné de les mettre en prison, ceux-là, pas parce qu'ils sont des du'ats, pas parce qu'ils yani, prétendent faire la da'wa, mais parce qu'ils faisaient du désordre, et parce qu'ils faisaient de la fitna, et parce qu'ils faisaient du tort. Hein? Et donc, c'est pour cette raison-là. Donc, Allah al-Musta'an. Ça vient conclure donc cette question-là. Et bon, il y a d'autres points qu'on va mentionner maintenant. On est arrivé au point numéro 8. Je ne sais pas si on va le finir aujourd'hui parce que il est trop long. On ne va pas le finir dans un cours. Mais au moins, on va le commencer un petit peu. Comme ça, la semaine prochaine, inshallah, on sera déjà avancé. Donc, le cheikh, il dit, Ash-Shari'atu, le point numéro 8, le principe numéro 8 du point numéro 6. الشريعة التي جاءت بالبراهة من الكفار ووجوب بغضهم جاءت بالحرص على حقن دمائهم ما أمكن رجاء هدايتهم لأن ذلك أحب إلى الله من قتالهم. نعم، ça c'est un point important. Le cheikh il dit que parmi les principes de la charia, on sait que la charia est venue pour nous demander de nous désavouer des koufars et nous mentionner qu'il est obligatoire pour le musulman de détester les koufars. Malgré ça, la charia nous incite et nous force à préserver leur sang, c'est-à-dire à préserver leur vie, et de faire cela le plus possible dans l'espoir de les voir être guidés, parce que cela est meilleur pour Allah que de les combattre. C'est-à-dire c'est meilleur pour Allah de les voir être guidés que de devoir les combattre. Ça c'est ce que les gens parmi les takfiriyins ils comprennent pas. Ils pensent, certains parmi les takfiriyins, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils s'imaginent que le but du djihad, c'est de tuer tous les koufars, hein, qu'il n'y en reste plus. Et yani, le but de l'islam, ce n'est pas de les tuer, mais c'est de les appeler à Allah pour qu'ils acceptent la foi et qu'ils deviennent des mu'minines. Hein. Donc c'est ridicule, yani, la mentalité de ces khawarij, comment ils pensent. Donc le cheikh, il mentionne des preuves de ce qu'il vient de mentionner. Il dit, قال الإمام ابن القيم وذكر أن القتل إنما وجب في مقابلة الحرب لا في مقابلة الكفر وأحكام أهل الذمة. في أحكام أهل الذمة يقول, فإذا ترك الكفار محاربة أهل الإسلام وسالموهم وبذلوا لهم الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين أما مصلحة لأهل الإسلام فيما يأخذونه من المال الذي يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقاهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه أو بلغتهم أخباره فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم وهذا أحب إلى الله من قتلهم. انتهى كلامه. شيخ الإمام ابن القيم للابد ابن تيمية un de son plus grand élève, il dit que, en parlant du fait de combattre les koufars, il explique que l'obligation de combattre les koufars, c'est seulement c'est seulement en retour de lorsqu'ils nous combattent. Hein. C'est-à-dire, lorsqu'ils veulent combattre les musulmans, on les combat. Et non pas en retour de leur kufr. C'est pas par rapport à seulement par rapport à leur kufr, mais c'est quand ils sont dans le kufr et qu'ils veulent combattre les mu'minines. Dans ce cas-là, on va les combattre. Mais, il dit dans le volume 1 de la page 18 de Ahkam al-Dhimma, il dit, mais si les koufars abandonnent le combat des gens de l'islam, c'est-à-dire ils cessent de combattre les musulmans, et ils acceptent de faire une entente de paix avec les musulmans, et qu'ils acceptent de payer la jizya, c'est-à-dire la taxe de capitation, et qu'ils vont la donner ou la remettre aux musulmans en se rabaissant eux-mêmes, eh bien, dans ce cas-là, il y a un bienfait pour les musulmans et il y a un bienfait pour les mouchriquins. Le bienfait pour les gens de l'islam, c'est l'exemple de l'argent qu'ils prennent de la part des mouchriquins qui donnent aux musulmans une force et en même temps le fait de voir que la mécréance est humiliée et rabaissée. Et ça, c'est meilleur pour les musulmans puisque c'est meilleur pour les musulmans que de les laisser sans jizya, que de laisser les koufars sans jizya. Et le bienfait pour les gens du shirk, c'est quoi? C'est du fait qu'ils restent, premièrement, on ne les combat pas, donc ils restent en vie, ils restent en paix, et on a toujours l'espoir de les voir accepter la religion de l'islam, puisque lorsque l'islam rentre dans leur pays, ils vont être témoins de la justice et de la grandeur et de la beauté de l'islam et des preuves de l'islam et ils vont être au courant donc des choses qui ont rapport avec la religion de l'islam et c'est certain qu'il y aura absolument certains d'entre eux à ce moment-là qui vont se convertir et ça c'est préférable et meilleur pour Allah que de les combattre hein? De les voir se convertir c'est meilleur pour Allah que de les combattre. Ça, c'est la fin de cette citation-là. Ensuite, il y a une citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre At-Ta'arud, Dar al-Ta'arud, le volume 8, à la page 15. Il dit « لو طلب أهل دار ممتنعين من الإمام أن يمهلهم مدة ورجى بذلك إسلامهم ولم يخف مفسدة راجحة أمهلهم والحرب إذا طلب الأمان حتى يسمع القرآن وينظر في دلائل الإسلام أمناه كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله Donc, Cheikh l'Islam, il dit dans ce passage que si les gens, parmi les gens qui refusent de se soumettre à l'imam, de respecter le dirigeant, d'obéir au dirigeant des musulmans, supposons qu'il y a un groupe dans un état musulman qui possède une force militaire, par exemple, un petit groupe, puis qui sont à l'écart des musulmans, et puis que le musulman les combats ou les appelle à accepter son autorité et à se soumettre et à cesser de se mettre à l'écart de l'autorité de ce dirigeant-là. Et que il demande de leur donner un temps, hein, un moment ou un temps pour réfléchir ou des choses comme ça, et que le dirigeant souhaite par cela qu'il y en ait rentrent dans l'islam, qu'ils réaffirment les aspects qu'ils délaissent de l'islam, et qu'on ne craint pas un plus grand mal, on ne craint pas qu'un plus grand mal se produise à cause de ça, alors dans ce cas-là, le dirigeant peut leur donner un délai. Hein? Et la même chose pour le kafir qui est en guerre contre les musulmans, s'il demande un délai, ou une trêve, ou un pacte, ou une entente de paix, pour pouvoir entendre le Coran pour pouvoir analyser les preuves de l'islam, dans ce cas-là, les musulmans vont lui donner le délai pour pouvoir y aller, lui donner la chance de réfléchir sur les arguments et les preuves de l'islam. Donc, on lui donne la paix pendant ce temps-là, on lui donne une trêve. Hein, on fait une trêve avec lui pendant ce temps-là. C'est le verset 6 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si un d'entre les mushrikines te demande ta protection, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis ensuite amène-le à son lieu de sécurité. Donc ça c'est la preuve que le cheikh il a mentionné, et ça c'est la fin de cette citation-là. Il dit ensuite: وَلِهَذَا كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه على حقن دماء الكفار وتأليف قلوبهم بإكرامهم ببعض الجاه والشرف أو بإعطائهم من أموال المسلمين وإيثارهم بها. Donc le cheikh explique que ça faisait partie de l'exemple de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, qu'il faisait beaucoup d'efforts pour préserver le sang des koufars, hein, et pour essayer de rapprocher leur cœur et de leur faire preuve de générosité avec une partie de yani, il les honorait et il leur donnait des biens et des choses de ce genre pour essayer de les rapprocher de l'islam. Et il mentionne premièrement l'exemple dans le fait de préserver leur sang, dans le sens qu'ils préservaient leur vie. Il dit: أما حقن الدماء فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن ألقى السلاح فهو آمن, ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته, ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته, ألا فما اسمي إذن ثلاث مرات. نعم. قال يعني: ألا فما اسمي إذن, ألا فما اسمي إذن, ألا فما اسمي إذن, الذي توفوا أنا محمد عبد الله ورسوله, هاجرت إلى الله وإليكم, فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا: والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. قال: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. Donc ça c'est un hadith rapporté par Muslim. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de la conquête de la Mecque: celui qui rentre dans la maison de Abu Sufyan, il est en sécurité. Celui qui jette son arme, il est en sécurité. Et celui qui ferme sa porte, il est en sécurité. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas fait couler le sang des gens de la Mecque lorsqu'il est revenu pour conquérir la Mecque. Hein? Si c'était quelqu'un d'autre parmi les conquérants du monde, hein, autre que le prophète, ils auraient vengé, hein, ils auraient cherché la vengeance et ils auraient exterminé tout le monde et fait couler le sang de tout le monde dans cette ville. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de la miséricorde, Nabiyur Rahma, quand il est rentré, il a dit ça. Il a dit: quiconque rentre dans la maison de Abi Sufyan, il est en sécurité. Ça veut dire, personne ne peut rien lui faire. Celui qui jette son arme, c'est-à-dire c'est un kafir, il a une arme, il la met par terre, il dit: ça y est, je ne combats plus, ça y est, on n'a plus le droit de lui faire un mal. Ou bien quelqu'un qui reste chez lui, il ferme sa porte, aucun mal peut lui être fait. Alors quand les Ansar ont entendu ça, ils ont dit: l'homme, il a été pris de sollicitude pour sa famille, pour ses proches, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de la tribu de Quraysh. Hein? Donc eux, les Ansar, ils ont dit, ah ça y est, il a été pris de sollicitude de clémence, de sollicitude pour sa famille, hein, et d'amour pour son pays, pour sa ville. Donc c'est pour ça qu'il les a pas attaqués, il les a pas frappés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, au sujet de cette parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, vous avez dit à mon sujet que cet homme, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été pris par la sollicitude ou la clémence envers sa famille et l'amour pour sa ville. Il a dit, alors dans ce cas-là, quel est mon nom? Alors dans ce cas-là, quel est mon nom? Alors dans ce cas-là, quel est mon nom? Il a dit ça trois fois. Il a dit, je suis le messager d'Allah. Hein? Il a dit non. Il a dit, je suis Mohammed, Abdullah et son messager. Je suis Mohammed, Abdullah et son messager. J'ai fait la hijra vers Allah et vers vous. C'est-à-dire vers Allah et vers vous. C'est-à-dire vous les Ansar. Et je vais, ma vie est avec vous et ma mort est avec vous. Hein? Donc en voulant dire, j'ai agi de cette façon-là, mais je suis le messager d'Allah. Donc qu'est-ce que je fais? Je le fais selon la révélation d'Allah. Hein? Et j'agis de cette façon-là. Parce que Allah m'ordonne d'agir de cette façon et en même temps je vis avec vous et je meurs avec vous parce que je vais retourner avec vous à Médine. Ils ont dit les Ansar, par Allah nous avons dit ça seulement par jalousie, hein, pour Allah et son messager. Et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah et son messager vous a cru et vous a excusé de ce que vous avez dit. Donc ça c'est un exemple donc de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il préservait le sang des mushrikines. Parce que le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas de tuer tous les habitants de la Mecque et de faire couler leur sang, mais c'était plutôt de les voir accepter la religion d'Allah et de se soumettre à Allah et devenir des mu'minines. C'était ça l'objectif. Et on va terminer avec la dernière parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, où il dit, قال Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah في منهاج النبوة في منهاج السنة النبوية وأبو سفيان كان أعظم الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في غزوة بدر الذي أرسل إلى قريش ليستنفرهم وفي غزوة أحد هو الذي جمع الأموال التي كانت معه للتجارة وطلب من قريش أن ينفقها في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم قواد الجيش يوم أحد وهو قائد الأحزاب أيضا وقد أخذه العباس بغير عهد ولا عقد ومشى عمر معه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله به بغير عهد ولا عقد فاضرب عنقه فقاوله العباس في ذلك فأسلم أبو سفيان وأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن انتهى كلامه. Donc, le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah il mentionne dans son livre Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, le volume 4 à la page 441. Il dit que Abu Sufyan était un des plus grands ennemis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la plus grande animosité contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans la bataille de Badr, c'est lui qui a envoyé des gens à Quraysh pour les appeler à sortir pour combattre les musulmans. Dans la bataille de Uhud, c'est lui qui a rassemblé tout son argent de son commerce pour dépenser cet argent-là pour Quraysh pour combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son argent. Cette bataille-là, dans la bataille de Uhud, il était un des têtes de l'armée dans la bataille de Uhud. Et c'est lui qui dirigeait également les armées le jour de la bataille des Ahzab. Hein? Et lorsque il s'était rapproché avant la conquête de la Mecque, lorsqu'il était allé voir qu'est-ce qui se passait quand il a vu qu'il y avait un grand rassemblement de cavaliers et de soldats qui arrivaient, il ne savait pas c'était qui. Alors il se demandait c'était qui. Il est parti pour aller voir et il s'est fait attraper par Omar ibn al-Khattab et Al-Abbas. Alors les deux, ils les ont attrapés et ils l'ont ramené au messager d'Allah. Alors ils l'ont attrapé alors qu'ils n'avaient aucune entente de paix et aucun pacte avec les musulmans. Et Omar ibn al-Khattab marchait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disait, il lui disait: ô prophète d'Allah, ça c'est l'ennemi d'Allah, Abu Sufyan, et Allah il te l'a donné, il t'a donné la main sur lui, le pouvoir sur lui, sans aucune entente de paix et sans aucun pacte. Alors coupe-lui sa tête, frappe-le. Et Al-Abbas, il lui a parlé à ce sujet-là. C'est-à-dire, Al-Abbas, il a parlé à Omar ibn Khattab, il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et c'est là que Abu Sufyan il s'est converti. Abu Sufyan il a accepté l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la sécurité. À partir de ce moment-là, il lui a donné la paix et la sécurité. Et il a dit à tout le monde: celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan, il est en sécurité. Celui qui rentre dans la mosquée sacrée de la Mecque, il est en sécurité. Et celui qui jette son arme, il est en sécurité. Donc ça, c'est la fin de la citation. Ça, c'est la preuve pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but, c'était pas de tuer les gens. Son but, c'était pas de tuer les kuffars et de les exterminer. Le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, c'était de voir les gens accepter la foi en Allah et se soumettre à Allah et de rentrer dans l'islam, hein, et de guider les hommes vers Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera donc la suite de cette explication-là samedi prochain, inshallah, au prochain cours, bi'idhnillah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.